Avez-vous déjà entendu le maire de Montréal chanter, Jean-François? Ah! C'est maintenant. C'est ce matin que ça se passe. OK. On y va. Question. Un, deux, trois. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. De Nelson Mandela des ondes. Il combat l'apartheid entre la télé et la radio en excellant dans les deux. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vaughan! Hey! Eh ben! Il y a du monde ici à soir. Ah, hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous donner en masse de temps pour nous remettre du décès, évidemment, de Nelson Mandela. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, boy, ça va? Hey, non, mais 95 ans, le bon Dieu est venu le chercher bien vite. Oui, oui. Hey, si lui peut partir, ça fait réfléchir. Ben, hein? Je comprends, mais là, en passant, j'ai regardé un petit peu sa feuille de route. Ouais. Là. Aucune Coupe Stanley. Ah ouais? Aucun numéro 1 dans les parades. N'a jamais posé nu. Je vois pas trop pourquoi les gens sont si tristes. Ben oui, hein, je sais pas. Mais je pense que c'est pas lui qui a inventé l'apartheid. L'apartheid, ouais. Je sais pas trop. C'est une maladie. Demande-moi ça, c'est quoi. Grand, là. Ouais, ouais. À un moment donné, là, en parler. Là, grand humain. Là, ben ouais. Qui n'a pas déjà fait des belles choses dans sa vie? Et là, voilà. Ben, ouais, on donne. J'ai donné, moi, juste à guignoler tout ce qui me restait de ce noir. Là. Ah oui? Tout donner ça, ouais, à l'animatrice d'épicerie. Là. Ah, est fine, là. Non, mais je voulais pas casser mon 5, il était 9-9. Ah, les 5-9 en plastique. Non, non. Puis je disais, pendant tout ce temps, puis pendant qu'on en repais sur un vieux monsieur qui en passant venait même pas d'ici. Hein. Je sais pas si vous saviez. On parle pas de nos excellentes cotes d'écoute. C'est vrai. Hein? 50% d'augmentation en un an. C'est ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. C'est clair. C'est clair. Voilà. Moi, ça me parle, ça. Ça a un impact dans ma vie, ça. Ben oui. C'était quoi les codes d'écoute de Mandela? Personne n'en parle de ça, franchement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait notre hommage à Mandela. Oui, je pense que... C'est coché, ça. Checked. Chacun sa façon, hein. Je veux dire, mon Dieu, que c'est gênant. On a-tu vraiment écrit ça, nous autres? Oui. OK. Hey, sinon, toujours... toujours dans le domaine, oui, des grands êtres humains. Oui. Hein? Il y a le PQ qui a finalement trouvé un boulot à André Boisclair. Enfin, hein? Il va rendre à la société un peu. Ben oui. Hey, lui ont fait la prestigieuse présidence du comité d'examen de la convention de la Baie James et du Grand Nord. Ah ouais, non. Hein? En même temps, j'ai une petite pensée pour lui. C'est quand même toute une débâcle après la grosse vie à New York. Hein? Ouais, des sous Armani, ils n'en ont pas vu souvent à Waskaganish. Eh boy, non. Ça pas il va falloir qu'ils se mettent à sniffer du gaz en plus. Oui, par... Oh mon Dieu. Non, puis en plus, la gueule. Oh mon Dieu. Il est cher, le gaz en plus. C'est pas les prix d'ici, là. Ah non, ça n'a rien à voir avec ici. Là. Non, même le diesel, c'est pas abordable. Ah, non. Il va-tu amener son chef personnel avec lui? Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait un chef personnel à New York, hein. Ben oui. Mais je pense pas. En même temps, chauffer des cannes de bine, c'est un poil à gaz. Non, c'est vrai. C'est pas sorcier, comme ils disent. Non. Puis des chefs, il y en a en masse là-bas. Ouais. Hein? Apprenez-vous. OK. Ah, sinon, toujours dans le domaine du spectacle, il y a la compagnie Spectra qui a été vendue au groupe CH cette semaine, hein, vous avez su. Ah, ça veut dire que les Francopholies, hein, le Festival de jazz, Vincent Vallière, ça passe tout dans le giron du CH. Ah oui, ben, oui, oui. Mais oui. Là, si le Festival de jazz est sous la houlette du groupe CH, est-ce que ça veut-tu dire qu'ils vont faire comme au Centre Bell? Tu veux dire de mettre de la musique en anglais? Ouais, non, mais non, fouiller nos sacs en arrivant, nous empêcher d'amener nos bouteilles d'eau, vendre la bière pas bonne trois fois le prix, des t-shirts délavés dans la laveuse puis tout. Là. Ouais, mais c'était comme ça au Festival de jazz. Ah, y a pas de... ouais, personne va être dépaysé là. Ça fait 20 ans que je suis pas allé, je sais pas. La dernière fois que je suis allé, j'étais allé voir un spectacle du Zeb. Et bon. Oh, on a le public jeune, hein? Comme tu dis. Ben, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit moi-même, je connaissais pas ça. Mais non, mais je trouve ça le fun, Fred. Non, mais faut toucher tout le monde aussi. Oui, c'est oui, ça oui. Qui fait notre popularité. Ben oui. C'est juste moins drôle. Ouais. Sinon, c'est passé inaperçu, mais ça, c'est une nouvelle intéressante. Le ministre de la Culture, Maka Koto, a finalement accouché de sa fameuse politique du livre. Bon, hein? C'est quoi encore? Le PQ veut taxer le nombre de pages? Non. Ben non. Il aurait pu, mais c'est pire. En fait, ils veulent empêcher les grandes surfaces d'offrir des rabais à la sortie d'un livre. Hein? Oh, ça, c'est, boy. Dis-moi pas qu'ils ont encore reculé devant le puissant lobby des librairies indépendantes. Oui. Ils sont tous allés à Québec? Ah ouais? Les trois? Ouais. Et puis ça me met en maudit. Ben, je comprends. Ouais, parce que ça veut dire que je ne pourrais pas acheter ma chaudière de mayonnaise en même temps que le dernier Hegel à rabais chez Costco. Et voilà. Et ça, je trouve ça écœurant. C'est dégueulasse. Surtout qu'on y est attendu le dernier Hegel. Hey, ça fait 150-200 ans qu'il n'y a rien sorti. 200 ans. Non, son éditeur n'est plus capable d'attendre. Ben, je comprends. Hein? En plus, il avait signé Kant juste avant, lui. Hey, il m'a dit son chalet, ça va y prendre du temps à le payer, lui, de tabarouette. Mais n'est pas Marie Laberge qui veut, hein? Non, le, le talent ne s'invente pas, Fred. Non. Qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux, elle, d'ailleurs? Je sais pas. Ma grand-mère a eu longtemps la même coupe de cheveux. Heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas tombés dans l'oubli. Non. Hein? On commence d'ailleurs avec un membre de RBO, André Ducharme. Oui. On est très contents. On est très, très contents. On est très, très contents. Mais ça existe encore, ça, RBO? Mmh. Mais il s'auto-commémore aux 5 ans. À mon avis, ça devrait pas tarder, là, les 62 ans, quelque chose. sinon, on reçoit également le chef de la CAQ, François Legault. Ouais. On le remercie énormément. Très heureux. Très heureux. Hey. Sa deuxième visite à l'émission. Oui, sa deuxième visite, comme d'autres politiciens, comme Raymond Bachand, Louis Arel. Oui. Ouais. Non, mais en même temps, regarde, de toute façon, on aura le temps de conjurer le sort parce que la soirée est encore jeune. Oh, Olivier, Internet. Ben oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, mm-hmm. où ils pourront lire le dernier billet de Benoît Aubin du Journal de Montréal, qui nous explique quelques heures après la mort de Nelson Mandela que ce dernier serait sûrement contre la Charte des valeurs québécoises et donc que les pro-chartes ne devraient pas le pleurer. Ah ben oui. Ça n'avait pas plus d'allure, mais au moins Jean-François Lisée a attendu 187 ans après la mort de Thomas Jefferson avant de lui prêter des intentions. Heureusement que nous, on n'en fait pas des jokes sur Mandela. Non, ça c'est vrai. On passe au courrier des auditeurs. Ben d'abord, on a une question de B qui demande « Est-ce que c'est Olivier Niquette qui fait les annonces vraiment très drôles de Tim Hortons au 98.5 FM où un estomac appelle des gens? » Ben, j'aurais aimé ça, mais non, c'est pas moi, malheureusement. Par contre, si vous entendez des gargouillements dans l'émission, ça, il y a des bonnes chances que ce soit mon estomac parce que je digère pas le pas de gluten. Ah, d'accord. Sinon, on a Bobby qui nous demande « Selon les sondages radio, toutes les émissions sont numéro un dans une catégorie. Vous, c'est où? » Ben, dans notre cas, Bobby, c'est chez les homophobes misogynes qui sont pognés dans le trafic le vendredi soir. Alors, merci à tous nos auditeurs. On est très, très heureux. On va la retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, bonjour Philippe, comment allez-vous? Très, très bien, vous-même? Oui, mais en fait, je ne vous cacherai pas, pour être très franc avec vous, que je suis un petit peu émotif aujourd'hui. C'est une version très spéciale. Ah, ben voyons donc. C'est encore vos niaiseries. C'est quoi qu'il y a aujourd'hui de spécial, Jean-Sébastien? Ouais. Écoutez, vous le savez, c'est aujourd'hui la fin de ma grande série « Viens voir Philippe Schnob ». Encore? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air viré fou avec Philippe Schnob. Mais je le sais bien, mais vous le savez, hein, je l'ai rencontré il y a quelques semaines au lendemain de sa défaite électorale alors qu'il voulait devenir l'échevin de Nicodère. Oui. La semaine suivante, inspiré de l'action d'un artiste russe, je me suis cloué les amourettes sur le parvis de Radio-Canada pour exiger un deuxième recomptage. Oui. C'est pas arrivé, mais comme vous le savez, grâce à M. Schnob, il est maintenant devenu président du CA de la STCUM. Oui, le, ouais. Mais voilà qu'après 6 jours à ce nouveau poste, mon bon Jean-Philippe, il nous a annoncé que la rive sud de Montréal sera inaccessible en métro plusieurs jours l'an prochain, ce qui est évidemment un véritable scandale. Conséquemment, aujourd'hui, publiquement, j'exige la démission de Philippe Schnob. Bon! Oui! Je fais donc ici présentement du piquetage devant l'hôtel de ville, décidé à faire avancer ma société, un peu peut-être inspiré de l'héritage de celui qui nous a quittés hier. Évidemment, je parle de l'acteur Morgan Freeman. Bye, Jean-Sébastien. À tout de suite. Bye. Notre premier invité. Membre de RBO, il est la voix dans l'oreille de Guy à l'émission Tout le monde en parle et la voix dans notre estomac à l'émission Un souper presque parfait. Accueillons M. André Ducharme. On est un peu à l'étroit ici. Ben oui, mais c'est pas grave, je prends pas beaucoup de place. Ah, OK, d'accord. Ben, soyez-vous quand même, hein? Je vais faire ça, certain. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, merci de venir. On est très heureux Paris-mai, de recevoir André Ducharme. Heureux d'être là. Une bière? Non, ça va, merci. Je suis à l'eau, je conduis. Ah, ben oui, mais hein? Une bière. Ça m'en prend pas beaucoup. Ah, hey, on n'a même pas fait de blague avec ben, ça. Laisse-moi, non, c'est pour ça, c'est un réflexe d'autodéfense. Je l'ai fait toujours moi-même avant. C'est ça. Comme ça, il t'en reste plus. Ben non, c'est chien, là. Alors, fait tes troubles, grand. Bon, ben, on va passer à François Legault tout de suite. Voilà, ça merci beaucoup. Hein, ben, merci. Bye. Non, hey, André! Oui. Non, mais on est content parce que... est-ce que vous connaissez un peu l'émission? Yes, do. Yes, oui. Oui, yes. Oui, je la... Je la bisoune à l'occasion sur le web. Vous la bisounez à l'occasion? Ben, on est très contents et très honorés. C'est un défi que j'avais. Quelqu'un m'a dit t'es pas game de dire le mot bisouner à Radio-Canada. C'est vrai? C'est mon fait. Dieu. C'est fait. Hein, deux fois, ça a bien changé. Hein? Oui, je sais bien, je vous ai entendu. Pas un gros défi que j'avais. Non. Bisounes, c'est assez. C'est notre liste, ça. Non, mais on reçoit André Duchamp. On est très content parce que, ben, premièrement, c'est la 10e saison de Tout le monde en parle. Absolument. Et on dit que vous êtes script-éditeur. Oui. Mais on dit surtout que vous êtes l'oreille et la voix dans l'oreille de Guillaume. De moins en moins. C'est vrai, ça? De moins en moins, oui, parce que après 10 ans, on sait pas mal plus comment se préparer à faire des entrevues. Mm-hmm. Fait que j'ai de moins en moins à intervenir pendant les entrevues. Mais j'interviens beaucoup avant. Mais script éditeur d'une entrevue, ça veut dire quoi? On dirige la direction que ça va prendre? Non, ça veut dire qu'à un moment donné, après que les recherchistes et Guy aient travaillé sur une entrevue, ça s'en vient chez moi. Et puis là, moi, des fois, je disais, ah, me semble cette question-là, si on la formulait de cette façon-là, ça serait peut-être un petit peu plus efficace ou un peu plus drôle, des fois. Ou si je peux me dire, ah, ben tiens, il manque peut-être une question là, je vais la mettre, on en discutera, ben, etc., etc. Attendez un peu, là. Si Guilla lit les questions des recherchistes et Guilla fait vos jokes, qu'est-ce que Guilla fait, dans le fond? Guilla fait beaucoup de choses. Là, tu m'amènes sur un terrain que j'aime beaucoup, c'est-à-dire défendre Guilla. Ah, ben moi, j'aime beaucoup Guilla moi-même. Fait qu'il n'y a pas de. C'est pour les gens, là. C'est mon ami. Ben oui, je comprends bien. Puis ça me fait beaucoup de peine quand les gens disent que tout ce qu'il fait, c'est lire des cartons parce que c'est pas vrai. Ben non, mais je le sais parce bien. Parce que les cartons, il écrit beaucoup de choses dessus. Ben comme voyons là, vois-tu, toi, t'as un iPad. Ouais. T'es en train de lire des cartons. Ah, puis on me parle constamment à l'oreille. Je sais. Alors voilà. La différence, c'est que nous autres, on le dit. Vous êtes écoutés. Voilà. Non, mais on disait justement que ça fait 10 ans que l'émission est à l'antenne. Yes. Est-ce qu'on est rendu au bout du concept? C'est niaiseux, mais c'est parce que des chiffrons comme ça, on a le droit de se poser la question, puis on se pose la question. Bien, écoute, ce concept-là était à son bout au bout d'une émission parce qu'il n'a pas changé depuis. C'est ça qui est extraordinaire. Bien, écoute, c'est drôle parce que je peux vanter ce concept-là parce que je n'ai pas eu l'idée, ce que je trouve bien dommage. Parce que si j'avais eu l'idée, j'aurais probablement une autre voiture que celle que j'ai. C'est peut-être une autre maison aussi. Oui, c'est ça, moi, j'ai la petite Mazda 3 rouillée qu'il y a dans l'entrée. Oui, c'est juste, ça. C'est pas grave. Dont les portes ne barrent pas, là. C'est moi, ça. Non, mais tout ça pour dire que c'est un concept qui est intéressant dans la mesure où il se renouvelle lui-même de semaine en semaine parce que c'est les invités qui font l'émission. Alors, je sais qu'en France, ça a duré 7 ans. Nous autres, ça fait 10 ans. On pensait au début faire 3 semaines, fait que c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on pensait faire. Oui, c'est vrai, mais en même temps... On n'a jamais atteint l'objectif de cote d'écoute que Radio-Canada nous avait fixé. Pour vrai? Oui. C'était quoi? Je pense que c'était autour de 700 000. Fait que le jour où on va atteindre l'objectif, on va se faire sacrer dehors. C'est ça. Que des échecs. Ouais, ça va pas franchement, non, mais quand même, vous étiez sur le bord de l'attraper cette année, votre objectif de 700 000. Pas du tout. Ça a descendu un petit peu. Non, pas du tout. Fait 2 ans que ça descend un petit peu. Non, c'est pas vrai. Arrête donc. Je te dis, c'est pas vrai. Voyons il y a toujours une baisse à chaque année en janvier-février. Depuis quasiment le tout début, parce que c'est là qu'est le plus gros trafic télévisuel ailleurs. Genre le Super Bowl, les Oscars, les grosses séries que TVA met contre Tout le monde en parle, c'est en janvier-février. Fait que là, les gens qui n'aiment pas beaucoup soit l'animateur, soit l'émission, se frottent les mains en disant « ça descend! » Mais c'est toujours temporaire. Bah, tu sais, fait que vos chiffres n'ont pas bougé. Là. Cet automne, je pense que c'est genre la troisième ou la quatrième meilleure saison de l'histoire de Tout le monde en parle. Ça a fait jaser, cette histoire-là. Puis bon, on invite Gabrois. Oui. Guilla a dit à Hugo Dumas, bon, il y a eu une dissension dans l'équipe. Absolument. On en a parlé longtemps. Absolument. C'est vrai, ça, vous avez été en caucus puis vous Mais c'est vrai pour la grande majorité des invités qu'on reçoit. Ouais. On est à peu près entre 8 et 10 personnes. Là, je ne les ai pas comptées, mais quand on a notre réunion en début de semaine, à savoir qui on invite, on est à peu près ça. Mettons 8-10 personnes, puis on discute, puis des fois, ben toi, tu penches plus sur un bord, puis un autre penche plus sur l'autre. Puis à un moment donné, ben il y a des invités qui se retrouvent au tableau qui étaient des invités que, exemple, moi, je ne voulais pas voir. Puis il y en a que je voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup voir qui sont là puis qui déplaisent à d'autres. Puis ça, c'est normal. Pis, est-ce qu'André Duchamp voulait voir Gabrois? Oui. Ah ouais? Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a, premièrement, ça se parlait pas mal. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a des chroniqueurs qui nous reprochaient de l'avoir reçu et c'est en lisant leur chronique qu'on a su qu'il existait. Parlez pas de Marques Civi toujours, là? Je parle-tu de Marques? Pas juste d'eux. Mais deux. C'est ça. que je salue et que j'aime bien et que je lis, la preuve étant. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'il y avait à ce niveau-là une raison de le recevoir parce que ça faisait une couple de fois qu'il faisait parler. Et deux, il y a bien du monde qui ne savent pas qu'il y a cette espèce d'univers parallèle-là qui s'appelle le web, sur lequel il y a bien des gens. Et vois-tu, moi, quand j'ai dit à mon fils de 22 ans qu'on recevait Gabrois, il m'a dit « Ah, Gabrois, ben oui! » Il savait parfaitement c'était qui. Et il y a bien des gens qui sont entre 20 et 30 ans qui savent parfaitement qui est Gabrois. Puis là, on parle de Gabrois, mais je parle en général de ouais. ce phénomène-là. Qui est suivi par ben des gens. Peut-être pas par le public habituel de tout le monde en parle, mais ça veut pas dire que ça existe pas, puis ça veut pas dire qu'il faut pas en parler. Ça fait 5 ans, un souper presque parfait. C'est la 4e année. Ah, la 4e? Ouais. Ça va faire 5 ans quand je vais revenir l'année prochaine. C'est-tu 40? 5e saison? Ouais. 5e. Hey, mon recherchiste qui va envoyer son CV à tout le monde en parle cette semaine. Hein? Ouais, ben regarde, tu te dis, je ne l'enverrai pas pour rien, je suis pas chien de main. Non, mais il reste toujours que l'association est soupée presque parfaite, donc télé-réalité et André Ducharme est surprenant. Elle l'était pour moi aussi. C'est-à-dire que quand on m'a approché pour faire ça, j'ai dit non. Parce que j'ai dit, moi, la télé-réalité, ça ne m'intéresse pas ou peu. Je connaissais un peu la télé-réalité, c'est pas quelque chose qui m'animait beaucoup. Et le producteur m'a parce que c'est un concept anglais, le producteur m'a passé une semaine d'émission anglaise et dit regarde ça, puis reviens-moi. Puis au bout de 2 émissions, je l'ai appelé, j'ai dit si tu donnes ça à quelqu'un d'autre, je te parle plus jamais. Hey. Parce que je trouvais ça flyé, je trouvais ça super le fun. Le producteur, c'est pas comme ton ami Guillaume. Ben, c'est mon ami Guillaume L'Espérance. Oui, qui est l'ami tout bas. Ça aurait été bête, hein, que vous ne parliez plus. Ben, ça aurait été plate, hein. Ben, je comprends. D'autant plus qu'on passe une semaine dans le sud ensemble dans un mois. C'est vrai? Ça aurait été eu de la place? Tu te le dis pas. Ah, okay, bon. Je te le dis pas. J'ai besoin de ma tranquillité parfois. Bon, c'est correct. C'est pas grave. Regarde, je vais trouver d'autres amis. La semaine passée, c'était la semaine de l'humour. Hein. On a beaucoup parlé d'humour au Québec. Oui. Il y avait les nombreux colloques. Fred Savard en a parlé. Effectivement. En plus soif. Mais le mois passé aussi, c'était la sortie du livre Les Cyniques. Oui. Le rire de la Révolution tranquille. Oui, oui. RBO, vous l'avez dit souvent, s'est inspiré beaucoup des Cyniques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, absolument. De quoi exactement dans Les Cyniques? Qu'est-ce que Les Cyniques faisaient qui vous inspirait tant? Écoute, au départ, le fait que c'était plus qu'une personne qui faisait de l'humour. Ça rassure. Non, mais c'est niaiseux à dire, mais des groupes d'humour, il n'y en a pas eu une pelle dans les 40 dernières années au Québec. Il y en a de moins en moins, pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que c'est plus payant à faire l'humour tout seul. Il y a peut-être aussi un petit côté un petit peu plus individualiste chez les nouveaux humoristes. Pareil, c'est même pas moi qui le dis. Donc, écoute, moi, les premières personnes qui m'ont fait rire, ce sont les Cyniques de mémoire. On écoutait, à l'époque, c'était le Festival de l'humour à CKAC. Ouais. Et c'était avant qu'il y ait des Tex Lecor, des Pierre Labelle qui fassent des gags. Le Festival de l'humour à CKAC, ils faisaient jouer des disques d'humour. Puis c'était à peu près la seule façon d'entendre l'humour à l'époque. C'était sur des disques. Les captations de spectacles, c'était des disques. Fait que moi, j'ai pas grandi en écoutant Les Cyniques, en écoutant ce vieux gars que je l'ai fait souvent. Mais il est super bon. Écoutant Les Cyniques, en écoutant ça, en écoutant Yvon Deschamps. Donc, le rire des Cyniques, pour moi, c'est le côté irrévérencieux, le côté... Tu sentais, même si je les comprenais pas tous, les gags, je sentais qu'il y avait un côté irrespectueux, irrévérencieux, un côté où on remettait en question l'autorité, beaucoup. Pour les Cyniques, c'était le clergé. Ouais. C'était beaucoup les politiciens. Pour RBO, ben, ça a été plus société de consommation, médias de masse, mais c'est un peu le même procédé qui est utilisé. Puis si RBO et sont les enfants des Cyniques, qui sont les enfants d'RBO aujourd'hui? Écoute, c'est peut-être pas à moi de le dire. Mais supposons que je pose la question. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Même pas capable de mettre un doigt sur un ou un groupe d'humoristes qui critique quelque chose dans notre société qui. Ça n'a aucun rapport avec nous. J'essaie de voir. Je sais que tu attends un nom. Je fais exprès de ne pas le sortir juste pour voir. Non, mais face. En fait, il n'y avait même pas de. Mais attends, moi, je. Bon, oui, oui. C'est un emploi d'apartiste. Les pieds dans la marge, un peu, absolument. Il y a du RBO là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans quoi? J'ai pas... Les pieds dans la marge. Ah, OK, bon Dieu, parce que vous parliez tous en même temps. J'ai pas... Mais tu sais, c'est parce que j'ai été très inspiré par Paul et Paul. Ah ouais, bien sûr. Et c'est un style d'humour que je n'ai jamais fait. Moi, je suis un fils spirituel de Paul et Paul. Les Denis Drolet, c'est des grands fans d'RBO. C'est des fils spirituels d'RBO, pourtant, mais ils ne font pas d'RBO. Fait qu'à un moment donné, tu sais... Tu te réclames de certains humoristes qui t'ont influencé, mais souvent, le réflexe que tu as quand des humoristes t'influencent, c'est de ne pas faire ce qu'ils ont fait. Exactement la même chose. Hein. C'est de dire, je vais faire le contraire, je vais aller ailleurs pour justement... Ce terrain-là leur appartient. J'irai pas sur ce terrain-là. Je les respecte quasiment trop pour ça, finalement. Le 31 décembre s'en vient à grands pas. Bye-bye! Ouais, est-ce que le retour de RBO Bye-bye va bientôt se matérialiser en 2014, 15, 16, 17, 18? J'en ai aucune idée. Okay. Nous autres, là... Vous t'entendrez? Moi, j'aimerais beaucoup faire le bye-bye. J'aimerais beaucoup ça. Sauf que je fais 140 demi-heures de description de rôti de porc par année, plus, plus tout le monde en parle, puis j'ai une vie sexuelle encore. Encore, OK, bon. Puis ben, ça, faut que j'en profite, ben, parce que maintenant... C'est hein, ça. Bon. Mais c'est le gris aussi, hein, qui... Il paraît que le gris, ça aide vraiment ça fait... Ben, c'est ce qu'on me dit. Ben, Fred me dit ça souvent. Là, on fait des gestes, et personne ne comprend. Non, je sais, mais c'est parce qu'on va... On met des images. Ah, des photos. Ouais, des photos. OK, parfait. D'affaires qui lèvent. Donc, c'est ça, mais... Tu sais, le dernier bye-bye qu'on a fait, on l'a décidé, c'est très drôle, parce qu'on s'était fait offrir ça en 2006. Et on était, tout à fait par hasard, on était à Las Vegas en train d'aller voir le show Love des Beatles, ouais, qui commençait à ce moment-là. Alors, on colle un meeting dans une chambre d'hôtel. J'ai dit à ma blonde, garde, ça va durer 2 heures, puis on va sortir de là, puis on va avoir refusé de faire le bye-bye. Ça a duré 5 minutes. Puis on a accepté de le faire. Aïe, aïe. Fait que, et on le sait jamais. On le sait jamais. Puis une autre fois, on nous a demandé de le faire aussi. On a fait une conférence téléphonique ensemble. J'étais sûr que ça, qu'on allait dire non. Effectivement, on a dit non, mais on a décidé à ce moment-là d'aller à la cabane à sucre de Martin Picard. Ça servait à ça. Alors, je sors de là, je dis à ma blonde, on fait pas le bye-bye, mais on va à la cabane à sucre de Martin Picard. OK, ben c'est très imprévisible. C'est assez random, hein? Je ne sais jamais moi-même. Ben écoute, on a bien hâte d'aller à la cabane à sucre ou d'écouter un bye-bye. Ben la cabane à sucre, fais attention, moi, dire. Non, je sais, je suis allé une fois, c'est pas le fun. C'est le fun pendant un petit bout. Je suis revenu sur le neutre. Ah ouais? Ouais, oui parce que j'ai fourni le gaz moi-même. Non, mais c'est vraiment ça. Je sais que c'est ça, c'est sacrifice. C'est pas humain, ça. C'est pas bon pour l'être humain, non, ça. Wow. En tout cas, ben, là-dessus, il faut qu'on se laisse. Mais, reste, ben oui, vous restez avec nous quand même. J'espère qu'on avait du plaisir. Ben non, je sais bien. 9 minutes de diffusion, c'est fou de même. Parfait. Il n'y a pas trop de montage ici. Non, mais RBO, se spécialisait dans la parodie de pub et un peu en hommage à ce talent qu'ils avaient. On a emboîté le pas depuis le pornographe pour ceux qui nous suivent. Et la prochaine parodie est justement dédiée à une parodie classique de RBO. On écoute. Allô? Allô, Martine, c'est ton estomac. Ben voyons donc. Ben oui, puis je veux juste te dire que chez Tim Hortons, c'est le retour de la lasagne à la viande accompagnée d'un petit pain et d'un café pour 2,99. C'est bien malade comme promotion. Mais si possible, là, y a-tu moyen de pas y aller? Tu passes tes semaines chez Tim Hortons, puis je commence à être irrité pas mal, là. Tu sais, du café cheap, là, à quart de jour, là, ça fait des trous dans mon propre estomac. Mais voyons donc! Je sais que les BS comme toi, vous aimez ça, venir chez Tim, puis Tim le sait aussi, mais là, ça va faire. Je suis pas gêné pour un estomac. Puis en passant, là, j'ai parlé à tes yeux, puis franchement, là, tu t'en viens pas mal toutoune, hein? Tu sais, tu pourrais manger un peu plus de salade, puis moins de beignes en schlang. Hey, là, arrête, estomac. Si des gens de votre entourage s'adressent à leurs organes au téléphone, ils ne sont pas des clients réguliers de chez Tim Hortons. Ils souffrent probablement de maladies mentales. Un message de Mental Québec. C'était freeze devant une laveuse. Freeze devant le frigidaire, le congélateur. Puis c'était une madame qui parlait à une laveuse, genre « Mon linge est sale! » Puis là, c'était ça. Mais c'était très bon. Alors, on va les retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Oui, Jean-Philippe, donc toujours devant l'hôtel de ville où je suis en train de manifester pour la démission de Philippe Schnob. Oui. Grosse surprise, Jean-Philippe, apprenant mon intention d'exiger sa démission, il s'est pointé ici. Je me trouve donc présentement avec Philippe Schnob. Eh ben. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. En fait, je ne me suis pas présenté. Je suis venu attendre l'autobus devant l'hôtel de ville et j'ai aperçu Jean-Sébastien, mais c'est de quoi était-il question, déjà? De votre démission, mais avant de poursuivre l'entrevue, mon bon Philippe, je veux savoir quelque chose. Vous savez très bien qu'en venant me rejoindre ici, je vais rire de vous, je vais vous humilier, vous rouler de coups, vous traîner dans la boue et vous, invariablement, vous acceptez mes invitations. Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez d'un micro à Radio-Canada ou si c'est pas parce que vous êtes en train de développer un petit kick sur moi, mon bon Philippe? Vous auriez dû m'en parler avant de vous laisser pousser la barbe, d'abord. c'est pas flagornant, j'aime beaucoup votre émission, puis là, je trouve que c'est une excellente façon de l'écouter si je suis pas disponible pour l'entendre en direct. Alors, vous me disiez, mon bon Philippe, que vous acceptez pas de démissionner. Alors, en attendant, on va faire un petit bout d'entrevue. On va parler, évidemment, de l'annonce de fermeture de station en 2014, mais tout d'abord, revenons, évidemment, sur votre fameuse nomination très contestée. Vous allez me dire, Philippe, c'est quoi exactement? Tout le monde se pose la question, quelle est son expertise pour assurer ce poste d'envergure-là? Je sais, vous répondez toujours invariablement, je suis journaliste, je suis habitué de poser des questions. Je veux bien croire, mais je veux dire, poser des questions à ces seuls avis, à des femmes retraitées monoparentales qui collectionnaient des timbres en banlieue de Winnipeg, est-ce que ça vous prédisposait vraiment à gérer une société de 9400 salariés, Philippe? Ben là, je pose des questions maintenant à un directeur général, je pose des questions au directeur des finances, je pose des questions à la secrétaire exécutive juridique, je pose des questions aux spécialistes du métro et aux spécialistes de l'autobus. Alors, quand j'ai des réponses, c'est des réponses qui font mon affaire. Puis si c'est pas, si les réponses te font pas mon affaire, je fais comme j'étais journée comme à l'époque. Je repose la question, je la repose à nouveau, je la repose à nouveau. La différence, c'est que maintenant, j'ai vraiment des réponses automatiquement. Je suis pas obligé de passer par tout un circuit pour avoir des réponses. Bon, ça, vous avez l'air d'aimer ça pour vrai, Philippe. Au fond, vous devez être quand même assez content d'avoir perdu vos élections. Je veux dire, entre être l'échevin d'un quartier de Gogo Boy puis de sauna à 88 000 $ par année, ou bien non, diriger une société avec un budget de 1,3 milliard de dollars pour trois fois le salaire d'un échevin. Je veux dire, vous devez remercier la population de Sainte-Marie à genoux d'avoir voté pour Jeanine Clive. Je remercie surtout celle de Saint-Jacques d'avoir voté pour moi, mais je remercie les 36 personnes qui auraient pu me déplacer aussi, qui auraient fait une différence, parce que à travers tout ça, j'aurais beaucoup aimé être élu. Évidemment, le problème, c'est que votre bilan depuis que vous êtes à l'ECM n'est pas très reluisant. Ça va... Alors, on va parler évidemment de ce bilan-là dans quelques minutes, Jean-Philippe. Bye, Jean-Sébastien. Merci. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui trouve que le nouveau porte-parole des casinos Grégory Charles fait effectivement une excellente slot machine. Ça! Hein? Hey, hein? Non, mais... On a des bonnes cotes d'écoute. Machine à sous, il y en a plein dans les casinos. Oui, on se laisse aller. OK, Fred Savard, je vous en prie. Hein? Oui, oui, oui. Hey, j'aimerais ça lever mon chapeau à nos invités cette semaine. C'est quand même rare que j'ai quelque chose de positif à dire sur les deux invités. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Oui, ben d'abord, oui. Je veux quand même souligner que François Legault est un des rares politiciens à avoir écrit un livre pour nous livrer sa vision politique. Et je crois que c'est digne de mention. Hein? Il y a tout mon respect. Quel autre politicien moderne québécois ou canadien peut se targuer d'avoir publié un livre politique? Personne. Évidemment, je ne compte pas le livre sur le hockey de Stephen Harper, ni le « Comment reculer pour les nuls » de Pauline Marois. Vraiment, mettre ses idées politiques sur papier est digne de mention, surtout à une époque où de moins en moins de gens lisent, sauf Sophie Durocher, tant qu'elle paie ses livres pas trop chers chez Costco, elle qui se bat depuis des années contre l'élitisme intellectuel à partir de son château d'Outremont. Je l'ai déjà dit, ce sont les cyniques qui m'ont donné le goût de faire rire intelligemment, mais c'est RBO qui m'a montré qu'on pouvait, entre deux blagues intelligentes, faire une grosse joke de foufoune, et pour cela, je les remercie parce que ça, je dois dire, je suis un héritier d'RBO. Ils ont repoussé les limites de la parodie. C'est les grands maîtres de la parodie. Je pense qu'ils n'ont jamais été égalés. Et ils ont repoussé la liberté d'expression et où on pouvait aller. Et ce sont, moi, c'est, je suis héritier de oui. Et c'est RBO qui nous a inspiré le talent incroyablement bien réparti de tous les membres de notre équipe. Hein. Un talent que nous avons bien reproduit parce que tous les membres d'RBO étaient talentueux à leur façon. C'est la même chose à la soirée est encore jeune. D'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas souligner les performances exceptionnelles de notre émission. Plan des codes d'écoute. 15 parts de marché dans une case aussi ingrate que le vendredi soir 19h, c'est tout un exploit. Mais j'avoue que tout ça pourrait être bientôt remis en question puisque nous vivons plus que jamais dans une époque où le relativisme culturel érode le monde que nous connaissions tel qu'il était avant que Nelson Mandela meure, c'est-à-dire hier. Je quitte progressivement le domaine de l'humour pour cette chronique. Pour ceux qui ignoreraient ce qu'est le relativisme culturel, eh bien, Dixie Wikipédia, c'est la thèse selon laquelle les croyances et activités mentales d'un individu sont relatives à la culture à laquelle appartient l'individu en question. On l'a bien vu avec le débat sur la charte, c'est grâce au relativisme culturel que je peux affirmer que la croyance de mon ami Fatima en un dieu qui l'oblige à porter une burqa n'est absolument pas risible, puisque mon ami Fatima y croit et que ce serait bien raciste et pas gentil d'en rire. Mais le relativisme ne s'arrête pas là, puisqu'il gangrène également la sphère culturelle en général et l'humour en particulier. Et vous, évidemment, vous me voyez venir, je fais illusion ici à la polémique de Gab Roy, bien que le mot polémique n'est peut-être pas le bon terme, puisqu'on parle bien ici d'une campagne de marketing. J'avoue ne pas être un grand fan de Gabriel, mais je dois quand même souligner ses accomplissements, c'est-à-dire transformer un déficit d'attention en carrière lucrative, et ça, c'est quand même quelque chose. Mais Gabriel et sa bande nous forcent à réfléchir sur la liberté d'expression, et ne serait-ce que pour cela, ils ont une utilité. C'est ce que je comprends de la démarche de la nouvelle plateforme de trouble.voir.ca, car après avoir regardé Tout le monde en parle dimanche dernier, j'ai réalisé que nous vivions une bien triste époque. Pudibonde, où les médias de masse ne laisseraient pas s'exprimer un monde underground qui repousse les limites de la liberté d'expression à chaque souffle de leur respiration. Tout ça pour nous offrir un nouveau paradigme que nous, pauvres mortels, n'avions même pas suspecté puisqu'il se tapit depuis des années sur l'Internet, cet espace peu connu des gens ordinaires qui écoutent la radio le vendredi soir à 19h. J'avais jamais entendu parler de ça, moi, le web. Hein? Internet? Avant dimanche, jamais. Voilà ce que font les ravages du relativisme culturel. On ne sait plus ce qui est drôle et ce qui ne l'est l'est pas. Hein? Et une génération complète de jeunes humoristes qui se font dire par leur père et mère que le Québec les mérite ne trouvent pas de canaux pour exprimer leur art. C'est pourquoi je ne sais plus, à cause de ce nouveau paradigme, si RBO était ou non un grand groupe d'humoristes. Quand j'ai entendu Gabrois se comparer à Yvon Deschamps, je me suis demandé quelle comédienne des années 70 il aurait fantasmé de se farcir. Et je n'en ai pas trouvé. C'est là que j'ai compris que j'étais victime moi-même de relativisme. Et pour me guérir, je suis allé réécouter nos propres émissions. Et j'ai finalement compris pourquoi nos codes d'écoute étaient si bonnes. Je veux donc terminer en remerciant notre public fidèle qui me permet de pratiquer mon métier d'humoriste sans être obligé d'être putride pour qu'on me remarque. Voilà, ça, je termine comme ça. Il y avait un point. Merci, publiquement, mais on a un bon public. Je suis pas sûr. Ben ouais, quoi? Pas facile, des fois, faire ce métier-là. Hein. On peut pas toujours dire des idées de même sans réfléchir. Faut prendre du recul et tout. Mais bon, c'est l'ancien paradigme. Non, non, mais il y a des psys qui existent aussi, frère. Ouais, je sais. Mais... OK. Moi, ma thérapie, c'est mon public. Ah, oh, mon Dieu, que c'est fin. Jean-Sébastien, on va aller vous rejoindre immédiatement parce qu'on n'en peut plus déjà de Fred. Jean-Sébastien? Je suis toujours avec Philippe Schnapp. Démissionnaire, peut-être, on l'espère prochainement, de la STCUM. On a passé la semaine, évidemment, à parler du métro de la Rive-Sud, de Philippe, qui sera inaccessible pendant les moitiés de fin de semaine de l'année 2014. Et à ce propos, vous avez accordé une entrevue à C'est pas trop tôt cette semaine, où je vous ai entendu dire ceci. Nous avons des micro-fissures dans le tunnel, puis des gouttes qui coulent un peu partout. Pour vrai, Philippe, je suis super ouvert, mais votre vie privée, ça fait la tête rester privée. Ben, j'aurais pu rajouter que j'avais pas de mémoire que je mets la question et que ça va être réparé en rajoutant une couche chez des gouttières. En même temps, Philippe, vous allez avouer que c'est pas le métro Baudry que vous auriez fermé comme ça. On a réparé quand même un des deux tapis roulants, ça permet aux gens de remonter vers les villages, mais pas d'en sortir. Évidemment, je fais semblant d'être un peu insurgé, mais entre vous et moi, là, que les gens de la Rive-Sud n'aient pas accès à Montréal, c'est-tu vraiment si grave que ça? Pour vrai, moi, c'est-tu un drame dans ma vie de pensée qu'on va juste avoir un petit peu moins d'adjointes administratives caquistes avec des teintures trois couleurs dans les belles rues montréalaises? On pourrait s'organiser pour les garder ici ou les empêcher d'entrer en augmentant les tarifs, mais ça, on verra ça plus tard cette année. Bon, ben, parce que vous êtes un fidèle auditeur de Viens voir Philippe Schnapp, on offre la possibilité au public de nous poser des questions. Ah, on a des questions pour Philippe Schnapp, vous nous écrivez à la soirée à romanceradio-canada.ca et on vous revient dans quelques minutes, mon bon Jean-Philippe. Vous êtes vraiment extraordinaire, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. C'est même pas vrai. Rennes, notre deuxième invité. Chef de la coalition Avenir Québec, il pense justement que l'avenir du Québec passe par les berges du Saint-Laurent. Accueillons M. François Legault! Monsieur Legault! Bonjour. Re-re-re-bonjour, monsieur Legault. Re-re-bonjour. On se voit souvent, monsieur Legault. Ben oui, ben oui. Ben qu'est-ce que vous voulez? Vous venez de sortir un livre. Ben, un politicien qui sort un livre, on l'a dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Hein? Il n'y a que vous. C'est rare, non, mais c'est vrai qu'il n'y a que vous, quand même. Puis ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, puis je pense qu'il y a une question qu'ici, tout le monde veut vous poser. Comment ça va, monsieur Legault, ce temps-ci? Ça va très bien. Oui. Très, très bien. Ben oui, on achève la session. Probablement qu'on va siéger la semaine prochaine pour adopter un projet de loi sur les mines qu'on a proposé. C'est donc, vrai? On fait avancer les choses. C'est vous qui avez proposé ça. Pourtant, ouais, c'est ce qu'on tient quand François même. Avec François Bonnardet. Arrêtez donc. Ouais, ouais. Mais pourquoi toutes les bonnes idées, le PQ vous les vole? C'est l'impression que j'ai, moi, ce temps-ci. Ben, c'est difficile, en politique, un troisième parti. Hein? On c'est est ça, habitué depuis 40 ans à avoir l'alternance entre les libéraux et les péquistes, selon qu'on est souverainiste ou fédéraliste. Donc, c'est difficile pour un troisième parti, mais il ne faut pas se décourager. Quand je regarde la dernière campagne électorale, quand on a commencé la campagne électorale, on était à peu près au même niveau dans les sondages qu'on est actuellement. Okay. Puis quand on regarde le résultat, ben, le Parti québécois a eu 1,4 million de votes, le Parti libéral 1,3 million de votes, puis la Coalition Avenir Québec 1,2 million de votes. On existait depuis seulement un an. Dans les sondages, c'est sorti récemment, on avait 17 % d'intention de vote. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait une baisse dans la région de Québec. Ça, c'est votre château fort, ça, Québec? Écoutez, là, moi, je dirais, ça fait quoi? 4-5 mois, là? Je pense que peut-être la solution, ça serait que je me promène avec un crucifix dans le cou. Ben, peut-être ça que là, j'aurais des chances qu'on parle de nous autres. Pas trop gros. Plus que d'écrire un livre sur l'économie ou sur le développement à Montréal, mais c'est sûr qu'on parle de la charte, à peu près. Mais c'est ça qui est fascinant, ouais. Ça. Parce que je disais, en ce moment, il y a plein de gens qui sont fâchés contre le PQ. Puis on parle de Québec. Parlons des radios de Québec. Il y a un mouvement qui vient de démarrer il y a peut-être quelques jours qui s'appelle Anybody but Pauline. Hein? Donc, tout le monde sauf Pauline. Et souvent, en fait, dans les dernières années, le choix de ces radios-là et de ces gens-là, c'était de choisir que ce soit la DQ ou la CAQ. MLA, ils viennent de changer leur fusil d'épaule. Ils soutiennent le PLQ. Bien, je pense que c'est assez serré, là. D'ailleurs, il devra y avoir des sondages dans les prochains jours qui vont le montrer à Québec. Ah oui? Hein, je vous donne une primaire. Ben ouais. Donc là, ça va pas si mal que ça. Maintenant, écoutez, je sais pas, là, je suis en train de penser à faire mon cours en médecine. Parce que moi, j'ai démarré une compagnie à Transat. Ouais. Mm-hmm. J'ai écrit un livre, mais ça a l'air ce qui pogne, c'est peut-être faire de la médecine. Oui, ça pogne pas tant que ça. Chirurgien, là, jouer dans la tête du monde, c'est bon. Ah ouais, hein? Ouais. Mais mon Dieu! On va repenser à ça. Ouais. Es-tu payant en neurochirurgien? Qu'est-ce qui est le plus payant, neurochirurgien ou fondé Air Transat? À long terme, quand on réussit à fonder une entreprise, ça peut être payant. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Justement, parlons du livre, parce qu'on en parle depuis tantôt, Cap sur un Québec gagnant. On en a parlé un peu. C'est vrai que c'est rare qu'un policier sorte un livre, et je ne l'ai lu pas, cette copie-là, parce que c'est la copie de la bibliothèque de Radio-Canada. On est allé la chercher. Remarquez d'ailleurs qu'il n'y a aucune page de plié. Hein. Fait que je ne sais pas si c'est un indice, mais moi, je l'ai lu. Et puis, j'ai été pour vrai surpris, parce qu'il y a du contenu là-dedans, puis il y a des choses qui... Il y a des images qui font rêver, c'est niaiseux, mais il y a, par exemple, les berges de Bonaventure, tout le projet qui se construit autour de Tour de Bonaventure que vous proposez. C'est intéressant. Il semble avoir quelque chose à vendre là-dedans. Et pourtant, vous n'avez pas été invité à Tout le monde en parle. Non. Pourtant, on n'en parle presque pas. Pourtant, on parle de la charte. Comment ça se fait que ça pogne pas, ça? J'ai demandé à Guilla, il m'a dit qu'il déclinait mon invitation. Ah. Ouais, c'est ça. Non, mais écoutez, je reviens sur le livre. C'est certain que c'est aride. Là. Ce que j'ai fait, puis c'est un travail, je dois dire, il y a sûrement plus de 1000 heures de travail là-dedans. J'ai regardé les success stories ailleurs. Donc, Silicon Valley, Boston, Zurich, Munich, Stockholm, Barcelone. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici à Montréal. Puis j'ai essayé de proposer. Donc, tous ces endroits-là sont sur le bord des berges, puis c'est beau, l'architecture, la culture, c'est important. La beauté, là, ça attire des entreprises. Deuxièmement, ça prend des universités de qualité, surtout dans les domaines de l'ingénierie et des sciences de la vie, qui se rapprochent des entreprises. Nous, on a un petit peu de misère avec ça à Montréal. On a l'ETS, la Polytechnique, l'Université McGill. On a de la misère, là. C'est un peu en contre-culture de dire on a peur que nos universités soient trop utilitaristes. Hein? Donc, puis pourtant, ça existe dans les pays scandinaves. Donc, il y a des choses à changer au Québec. Il faut aussi encourager le plus de jeunes possible à être entrepreneurs. On manque d'entrepreneurs. Donc, valoriser l'éducation, l'entrepreneurship, l'innovation. C'est un petit peu tout ça. C'est sûr que c'est moins drôle que de parler de la charte. Comment on fait pour bien la vendre, justement, cette idée-là? Parce qu'on va le répéter, il y a du contenu. Il y a sûrement quelque chose à faire pour réussir à le partager, ce contenu-là. Il peut peut-être engager, je sais pas, Justin Bieber pour partager votre contenu. C'est niaiseux, mais on a François Bonnardel. Oui, bon. on voit André. On l'a jamais vu en Bédène. On l'a jamais vu en Bédène, hein, Bonnardel, mais il paraît qu'il est bien cute. Non, mais c'est vrai. Il faudrait avoir peut-être un peu plus de militants. C'est effectivement frustrant. Le budget du Québec va être un petit peu déficitaire. Il ne l'avait pas prévu au gouvernement du Québec, le PQ. Ils ont été bien surpris. Hein. Le budget va passer en mars prochain, probablement avec un déficit. Est-ce que vous allez voter pour ce budget-là? Écoutez, d'abord, je me sens un peu comme si... je vois des gens qui prennent de la bière, là, comme si c'était un lendemain de veille. Pendant 3-4 mois, Mme Marois a essayé de se préparer une élection pour le mois de novembre ou de décembre. Et puis, écoutez, on a calculé juste en 3 mois, là, le fait pour 10 milliards de dollars de nouvelles annonces. Ah ouais. Puis là, bien, c'est le lendemain de veille. On se réveille avec une gueule de bois. Puis là, on nous annonce la semaine passée qu'on va faire 2 années de déficit. C'est certain que s'il n'y a pas de changement, on ne pourra pas appuyer ce budget-là au printemps. Donc, préparez-vous. À des élections? Bien, écoutez, je ne sais pas. La dernière fois, il faut se rappeler que pour le budget de l'année en cours, les 19 députés de la coalition ont voté contre. Mais la moitié des députés du Parti libéral sont cachés dans leur bureau, n'ont pas voté parce qu'ils ne voulaient pas aller en élection. Donc là, on va voir ce que M. Couillard fait. Là, ça ne semble pas très clair. Ça va bien pour M. Couillard. Ça va super bien. Honnêtement, on va se le dire. Oui. On parle des berges rapidement. M. Coderre a été élu à la mairie de Montréal depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Est-ce que M. Coderre est un bon candidat à lire votre livre et à le comprendre et à le mettre en œuvre? J'ai eu l'occasion de rencontrer Denis Coderre en privé. On en a discuté, effectivement. Il doit avoir l'appui de Québec. J'en parlais tantôt avec André Duchamp. Il faut travailler pour la grande région de Montréal. D'abord, il faut arrêter la lutte entre le 4-5-0 et le 5-1-4. Mais c'est un bon gars pour ça, Denis. Bien, écoutez, moi, je pense que c'est un bon vendeur. Ah, ça, oui. C'est un bon vendeur. Ça, on va se le dire, hein, Denis, c'est un bon vendeur. Je pense que c'est un gars qui a des grandes ambitions pour Montréal. Mais maintenant, pour lui. il faut que Québec lui donne un coup de main. Parce qu'actuellement, Montréal... même pas d'argent pour être capable de mettre à niveau ces aqueducs-là. Donc, il faut trouver un moyen de l'aider à développer l'économie. À avoir... Moi, je pense que la première chose qu'on devrait faire à Montréal, c'est de réussir un grand projet. Un grand projet, j'en propose un, l'Havre de Montréal, ouais. C'est-à-dire entre le pont Jacques-Cartier puis le pont Champlain, qu'on ouvre les berges sur le Saint-Laurent, qu'on fasse des parcs, et puis que ça soit beau. En même temps, une chose à la fois, je veux dire, le premier grand projet, moi, je pense, ça serait réasphalter Saint-Denis. C'est niaiseux, hein, mais je sais pas si ça, c'est comme... Moi, ça serait la première. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour Noël? Ça s'en vient, là? Bien, on souhaite que les Québécois s'intéressent davantage à l'économie, à l'avenir du Québec, à l'éducation, à l'innovation, qu'on trouve le moyen de faire un virage au Québec, qu'on arrête d'avoir peur, parce que ce que j'ai vu dans la dernière campagne électorale, faire le ménage d'indépendance et puis faire un virage, c'est parfois difficile. Mais qu'on se donne le goût d'avoir le goût du changement. Les enfants vont être contents de développer ça en dessous de leur cette année. Peux-tu vous le dire? Merci beaucoup, M. Legault. Vous restez avec nous. Ben oui. Fred, notre prochain chroniqueur. Ces écoutes de la radio Jambon sont du foie gras pour nos oreilles. Ça nous laisse quand même les lobes un peu gras. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Eh bien, plusieurs bonnes nouvelles à propos du pont Champlain cette semaine, ce qui n'a pas empêché le PQ, toujours à la fine pointe de chialer pour rien, de demander que le pont soit rétrocédé au Québec dans 25 ans. Une perte de temps, selon Jean Lapierre. Oui, mais il faudrait peut-être se parler de la rétrocession dans 25 ans. Ben voyons, non, ils seront pas là, personne, on sera peut-être mort. Là, c'est moi, faites le sacré pont. Hey, c'est drôle, hein, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'ils ont dit quand ils ont construit le pont il y a 50 ans. Voyons donc, c'est pas grave s'il est pas solide. Dans 50 ans, on va être mort. Sinon, scandale à la commission parlementaire sur le pipeline d'Enbridge, alors qu'un intervenant, Alexandre Turgeon, du Centre régional en environnement de Québec, répondait au député Scott McKay, qui demandait comment sensibiliser la population à l'environnement en ces termes. Si vous aviez des pouvoirs en matière de radiodiffusion, je vous dirais de fermer le 93.3 puis le choix FM, le choix Radio X à Québec. Là. Je pense que la société québécoise s'en porterait que mieux. Même si Radio-Canada ne pourrait pas se payer leur tête le vendredi soir. Je me sens coupable tout d'un coup, là. Ouais. Évidemment, le FM 93 et Radio X ne manquent jamais une occasion de jouer aux victimes. Et le dit Alexandre Turgeon s'est fait planter chez Sylvain Bouchard, qui a vu dans sa proposition quelque chose qui ressemble, entre autres, au communisme. Ce qu'Alexandre Turgeon a demandé au gouvernement péquiste de faire, de fermer le FM 93, les nazis l'ont fait en prenant le pouvoir. Staline le fait également. Fidel Castro le fait. Ils l'ont tous fait. Rien de moins. Mais ce n'est pas tout. Amir Kadir, dans le cadre de la même commission parlementaire, a renchéri et promis qu'il allait organiser des audiences publiques pour se pencher sur la fermeture de ses radios s'il prend le pouvoir. Et des audiences publiques, ça évoque à Dominique Moret des images communistes. Moi, j'ai une image en tête, les purges staliniennes. C'est-à-dire Staline arrive au pouvoir et t'as les ceux qui étaient trop proches de ses ennemis, avant qu'ils arrivent au politburo, comparaissent, bing-bang, ça prenait 5 minutes, une balle dans la tête. Voilà, c'est ce qui pourrait arriver à Radio X si Québec solidaire prend le pouvoir. D'ailleurs, les garçons, si possible, il faudrait qu'on arrête de faire des jokes sur les bas blancs dans les sandales d'Amir Kadir, parce que moi, bing-bang, une balle dans la tête, là, ça me tente pas. Non, c'est correct. Autre grosse nouvelle, la décision du PQ d'interdire les rabais sur les livres pour une période de 9 mois. Mm-hmm. Une décision qui, comme l'explique Sophie Durocher du Journal de Montréal, est décriée par tout le monde. Dans mon journal, il y a Benoît Aubin, Lise Ravary ont écrit sur le même sujet. Eux aussi trouvent que ça n'a pas de sens. Dans la presse, Alain Dubuc écrit sur là-dessus, il dit que ça n'a pas de sens. Et le National Post. Dans le National Post, ils ont écrit là-dessus en disant que ça n'avait pas de sens. Alors, il y a comme une unanimité. Oui. Aubin, Dubuc, Ravary, le National Post. Non, mais on a-tu hâte à dans 9 mois quand Sophie Durocher va enfin pouvoir s'acheter un dictionnaire en spécial pour vérifier la définition du mot unanimité? De toute façon, selon Sylvain Bouchard, l'État qui se mêle des prix, ça a un nom, ça s'appelle le communisme. Il faut quand même rappeler aux gens, sans exagérer, là, que c'est ce qui se passe à Cuba, puis en Corée, et c'est ce qui se passait à Moscou. Là. Un État qui fixe des prix, ça a un nom, ça. Ouais. C'est du communisme. J'adore le « moins » de Mario Dumont. Ouais. Reste que tout ça démontre une chose, selon Dominique Moret de Radio X, c'est que la décision du PQ, ben, c'est une décision communiste. Le PQ, bravo, va interdire les rabais sur les livres dans une décision communiste, une décision qui assassine la liberté. Bing bang, une balle dans la tête de la liberté. Et c'est pas tout, hein, parce que le PQ a évoqué cette semaine la possibilité d'augmenter les frais des garderies à 7$ jusqu'à 8$. Ce serait la moindre des choses, selon Jérôme Landry, parce que les garderies, là, c'est encore une patente de notre gouvernement communiste. Ils sont obligés de fermer la garderie, parce que c'est trop compliqué d'être reconnu par le gouvernement communiste du PQ. Puis je dis communiste en pesant mes mots. C'est rendu, j'en ai roll-ball de autres, plus capable. Et encore les communistes, ça me donne quasiment le goût d'exagérer moi aussi puis de dire qu'on assiste à un retour du macartisme. N'empêche que peut-être qu'aux États-Unis, ça coûte en moyenne 11 000 par année envoyer un enfant à la garderie, mais au moins, ils n'ont pas de communistes là-bas et ça, on le saurait si nos journalistes faisaient mieux leur travail parce que comme le dit Jeff Fillion, nos journalistes, ce sont des... communistes. Mais non, des beignes. Ah, un journaliste, c'est pas un métier ça. C'est rien, c'est vide. Y a rien. Un beigne de chez Krispy Kreme, y a plus de contenu. Eh oui, nos beignes ont bien beau avoir déterré des tonnes de scandales ces derniers mois, ils n'ont pas encore parlé du fait que nous vivons sous un régime communiste et ça, ça prouve qu'ils sont pleins de costardes. Merci camarade, Dasvidania. Merci Lien. Ah. Eh bien, c'est avec un grand bonheur qu'on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, toujours avec M. Schnob? Oui, toujours avec M. Schnob. Pour la fin, pour la grande conclusion de la grande série Viens voir, oui. Philippe Schnob, avec plusieurs courriels qu'on a reçus. Alors, un premier courriel, toujours la même personne qui m'écrit à chaque semaine, ça vient de A. Boisclair, de la Baie James, cette fois-ci. Et vous allez voir, M. Schnob, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Alors, je vous le lis. On est-tu assez mort de rire, toi et moi, Philippe? Et nos boss qui continuent d'affirmer que nous avons eu nos postes pour nos compétences. LOL, LOL, MDR. Bravo pour ton nouveau poste. Tu viendras faire un tour ici quand tu veux, mon bonhomme, mais habille-toi chaudement parce qu'ici, je suis toujours gelé. Ben oui, je dirais bien dans le métro parce qu'il fait toujours chaud. Une deuxième lettre qui va comme suit. Allô, Philippe, as-tu une job pour moi? Nous sommes des anciens collègues et plus que jamais, je sais ce que tu as vécu pendant toutes ces années à faire de la télévision sans que personne ne te regarde. Et c'est signé à Marie Dussault. Je Madame Dussault, je regarde sur le site emploi de la SCM, il y a un poste d'électricienne de bâtiment et d'analyste soutien technique, ça l'intéresse. Alors, on invite Madame A.M. Dussault. Alors, Philippe Schnob, pouvez-vous croire que c'est déjà fini? Alors, je termine, je vous ai rédigé une petite carte que je vous donne. Vous allez voir, c'est supposé être drôle, la chute va être complaisante et tout le monde dans la salle va faire « Oh! » Alors, voici votre carte. Ça me fait pas ça. Alors, ça dit, cher Philippe, si le métro est brisé, votre sens de l'autodérision, lui, est demeuré intact. Merci de m'avoir été avec vous. Oh! Alors, Philippe, vous restez avec nous? Il fait froid, là, je vais prendre l'autobus, je rentre à la maison. Bon, parfait. Alors, Fred Savard, qu'est-ce qu'on boit? De la glutinbeer dans une canette jaune! Santé et longue vie à Philippe Schnob! Merci, Philippe! Eh bien, terminons ça, cette émission-là, avec notre dernier chroniqueur, en fait. Notre correspondant parlementaire s'intéresse cette semaine aux pétitions et aux rumeurs de démission de Stephen Harper. Ah oui. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. C'est Cipriani! Hey. Oh, vous m'avez manqué, vous aussi. Ben oui, on s'ennuyait. Oui. Mais c'est la fin de la session parlementaire à Québec, peut-être. Hein? Et surtout à Ottawa, aussi. Aussi. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire que c'est le temps des parties de bureau. Ah! Du PR dans les cocktails dînatoires, puis les députés qui se mettent les fesses sur la photocopieuse de l'Assemblée nationale. Bonne ardelle, vous m'avez dit. Hein? Ben, attends, la semaine prochaine. D'ici là, vous savez, Jean-Philippe, que j'aime les livres. Alors hier, j'étais à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de Rosemont, à Montréal. C'était le fun, il y avait le député de Rosemont, là, son Altesse Jean-François Lisée, qui était là. Ouais. Et donc, ça s'appelle la bibliothèque Marc Favreau. Le seul moment gênant, c'est quand le chef d'Option nationale, Sol Zanetti, débarquait. Il croyait qu'on y avait déjà érigé une bibliothèque. Ah! Malheureusement, ben oui. C'est pas tout de suite. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, hein? Ouais. Est-ce que Denis Coderre était là? Non, non. Lui, tu sais, les bibliothèques, là, quand les phrases dépassent 140 caractères, il vient mêler un peu. Ouais, ouais, ben oui. Mais au-delà de ça, est-ce que la démocratie a avancé au Québec cette année? Dites-moi grande et titanesque question qui va droit dans le mandat de cette émission, bien je sûr. Je le sais bien, c'est pour ça que je la pose. Vous savez que, bien sûr, les pétitions en ligne sont encore très populaires sur le site de l'Assemblée nationale, surtout depuis que Bernard Drinville nous a appris que les sondages en ligne, c'est quasiment scientifique. Ouais. Alors, pourquoi s'en priver? Alors, la pétition qui obtient le plus de signatures en cette fin d'année, c'est la pétition contre les voies réservées à Québec. C'est vrai? Une pétition contre le transport en commun en 2013, à croire que le ministre des Transports, c'est Luc Ferrandez. Ouais. 17 500 signatures, ça c'est plus que le double de celles qui arrivent deuxième, qui réclament quelque chose d'assez trivial, là, que les commerces donnent leur nourriture pas vendue aux pauvres plutôt que l'acheter. Mais tu sais, les pauvres. Hein? Ce qui est très dommage, c'est que la pétition qui demande au gouvernement de faire le point sur les finances publiques avant les prochaines élections, c'est la moins populaire, 23 signatures. Ah, j'ai signé. Ce qui endure beaucoup sur nous. Fait qu'à la lumière de ça, moi, j'ai pas pris de chance. Celle que j'ai signée, c'est celle parrainée par Françoise David. 330 signatures qui demandent un plan d'action en santé mentale. Je pense que le Québec en a vraiment besoin. Mais il y a un autre gros dossier. Ouais, ouais. Ce sont les rumeurs de démission de Stephen Harper. C'est vrai? Je n'en dors plus. Arrêtez donc. Non. Ce serait un crime de lèse-majesté, Vautier, de nous amputer de cet homme éloquent, prolixe et ponctuel. Oui. Or, la question qui... Il est très ponctuel. Il paraît, hein? Oui. Qui pourrait le remplacer? Plusieurs noms circulent, hein? Oui. Jason Kenney, oui, notamment, Maxime Bernier, votre nouvel ami de la semaine dernière. Mmh. Oui. Mais qui d'autre pourrait le remplacer? J'ai encore une fois écumé la benne à déchets derrière le Parlement Ottawa et entre deux, trois factures de sénateurs, je suis tombé sur la liste exclusive du comité exploratoire de remplacement de SH. Ah oui, pas de ah, surprise. C'est secret. Oui, c'est secret. Okay, okay. Pas de surprise, Rob Ford vient en tête des successeurs potentiels pour son côté rassembleur, sa capacité de reconnaître ses erreurs. Ouais. Dimitri Soudas, l'ancien attaché de presse de Stephen Harper, aussi, qui vient de quitter le comité olympique parce que lui aussi croit profondément aux médias comme M. Harper. Parlant de médias, d'ailleurs, Patrick Brazeau, avec réserve cependant, parce qu'après son expulsion des rangs conservateurs, vous le savez, il est devenu journaliste. Hein? Ouais. Puis ça, c'est normalement un premier pas vers une candidature du PQ. Alors, on s'attend ouais, un peu. Fait que là, on n'est pas certain de ça. Hein? Et ouais. François Blanchette, parce qu'il paraît qu'il aime beaucoup les sables bitumineux, lui aussi. Marie-France Bazo. Arrêtez donc! Ouais, comme Stephen Harper, elle aussi abuse sur les mots quand elle s'exprime en français, donc il semble qu'elle a le potentiel pour faire ça. Le nom de François Legault circule. Arrêtez donc! Ouais, il y a des points en commun avec M. Harper, il est allergique au débat constitutionnel, il ouais. écrit des livres, puis il est bon dans les sondages. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est hey, ouais. Merci énormément, tout le monde. Écoutez, c'est déjà terminé, on vous invite à rester à l'écoute. Et on remercie évidemment toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, Alex Côteau. Et un gros merci à nos invités de ce soir. André Duchamp, on écoute la dernière de Tout le monde en parle avant Noël. Oui, en fin de semaine. Ouais, avec Catherine Anne Toupin. Et François Legault, on vous souhaite bonne chance pour la prochaine session parlementaire. Et surtout, allez donc acheter le livre de François Legault pour le donner à vos enfants. Ça va être bizarre comme cadeau, mais au moins vous le lirez après. Merci énormément. Et si vous trippez mérite sur l'émission, écoutez notre balado en vous rendant sur notre site web et venez assister à l'enregistrement d'émission. La semaine prochaine, nos invités Pierre Huet et Jean-François Lisée, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune!